les baladeuses. Whenever we see a new sight or feel a new sensation, est-ce que vous aimez voyager? Oui, mais pas pour la même raison que les autres. Dans la forêt de sons qui nous entoure, nous entendons, nous croisons, nous caressons parfois des créatures diaphanes, à la voix ensorceleuse, caressante et douce. Elles nous effrôlent la peau et nous font frissonner, les poils se soulèvent et nous avons la chair de poule. Ce sont les baladeuses tous les mercredis de 10h normalement à 11h30, le dernier mercredi du mois. C'est l'émission de janvier et le thème d'aujourd'hui c'est la peau sous toutes ses coutures, peau de vache, peau douce, peau satinée, peau, toutes les peaux noires, les peaux de toutes les couleurs. Nous avons interviewé chacune de notre côté, Juliette et moi, Sophia, puisque nous avons déjà une absente qui ne sera pas présente. Puisque Julie sera pas là, elle est au travail et ploie sous le poids de la tâche. J'espère qu'elle pourra tout de même sauver sa peau. Et donc, qui ne sera pas là. Et nous avons invité des absentes qui sont sur nos bandes, qui nous ont fait l'honneur de bien vouloir répondre à nos interviews. Donc, nous avons interviewé Agnès Marillet, qui est peintre à Saint-Étienne, et dont le travail pictural, vous allez voir, interroge notre rapport à notre peau et à notre corps. Et dans le même temps aussi, dans une autre forme d'interrogation de la peau, nous avons interviewé aussi Mariam Maxime, qui était... vous verrez, elle se définit elle-même, c'est une personne noire, métisse, elle vous parlera aussi de la peau et de comment la peau, la couleur, etc. Enfin, j'ai pas envie de te trop en dire, en fait, voilà. Il y aura de la musique, beaucoup, il n'y aura pas. Peu ou pas, voire pas de rubrique, c'est surtout, on va beaucoup entendre parler nos invités. Nous vous souhaitons une bonne écoute, une bonne caresse, laissez la plume de nos voix flotter sur votre épiderme. We'll be right back. La peau, c'est un organe. Et c'est une importante interface entre des individus et les autres. Voilà pourquoi, à certaines époques, il a été possible de perpétuer des violences extrêmes sur des gens, parlant par exemple des Occidentaux, des Européens, qui ont pratiqué l'esclavage. Voilà, avec ce fameux code noir qui a été établi en 1685 et qui a été formulé par Colbert, mais approuvé par Louis XIV. Et ce code noir disait que ces personnes, ces êtres humains, devaient être considérés comme des meubles, donc on pouvait les vendre, les acheter, les violenter, les violer, pour les... Oui, tu vois. Pareil pour les Indiens. Là, je parle de ce qu'on voit à l'extérieur et qui fait des ravages si on n'a pas une certaine conscience d'être humain. C'est pour ça que je parlais du cœur avant. Tu vois. Il n'y a pas que le cerveau, la tête, les neurones, tu vois. Il y a aussi cette intelligence du cœur. Mais le cœur est bien en dessous de la peau. Voilà. Par exemple, je parlais les Indiens qui ont été qualifiés de peau rouge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je veux dire, c'était pas, ils n'avaient pas la peau rouge, couleur rouge, j'entends. Voilà. C'est parce qu'il y a eu une erreur au début, quand ils ont cru découvrir les Indes orientales. En fait, ils se sont aperçus qu'ils étaient en Amérique. Donc, les Indes, ils les ont appelés les Indiens. Voilà. Et peau rouge, qui est hyper discriminatoire, vraiment. Et toujours aussi le registre extérieur, le visible, facile. C'est, par exemple, les caricatures monstrueuses qui ont... judéophobes qui ont été faites pendant la période du nazisme, qui ont aussi contribué à ce qu'une certaine partie de la population ont pris en dégoût les juifs. Donc c'est très important tout ça. Donc moi, quand aussi bien Juliette que toi m'avez demandé de participer à cette émission, je me suis un peu creusé la tête en me disant bon, c'est tellement vaste ce sujet, la façon de l'aborder, que je dis des choses comme ça en désordre, ce que ça suscitait chez moi en fait. Et par exemple, il y a aussi le phénomène de la beauté. En fait, la peau, c'est un organe visible. Hein. Et le visage et la forme du corps sont les principaux déterminants de la beauté. Principaux déterminants de la beauté de nos jours encore. Hein. Parce que l'attrait, par exemple, du visage d'une femme, ben, ça reste la plus grande part de son attrait global. Hein, comme quoi on est encore bon, enfin, je n'ai pas fait jouer la féministe. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et la beauté n'a jamais pu être définie par des critères objectifs. C'est impossible. Parce que la peau, elle a un aspect aussi au premier regard, un aspect psychologique et socioculturel. On nous met dans des cases. Par exemple, moi, je suis métisse. Voilà. Dans un autre endroit, on dira mulâtresse, négresse. Bon. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai entendu un mot tel que bico, j'étais très jeune, je me suis dit, ça existe parmi nous, les êtres humains sur cette planète, qu'est-ce que c'est un bico ? C'est-à-dire que simplement, c'était l'Afrique du Nord. C'était à Paris, hein, j'ai entendu ça pour la première fois, où on traitait les Algériens, Marocains, qui étaient déjà à Paris à cette époque, de bico. Donc tout ça est péjoratif et c'est toujours lié à l'aspect extérieur de la personne. Et c'est un dommage magistral. C'est pour ça qu'au début, je parlais du cœur. Du cœur. Il ne faut pas être tronqué, il ne faut pas parler uniquement avec la tête, le cerveau. Il ne faut jamais oublier aussi le cœur, être entier, intègre. C'est difficile. C'est difficile. Ben, d'échapper à ce premier critère. Voilà. Et en fait, quand on sait que la couleur de la peau est généralement déterminée par la quantité et la distribution de la mélanine, c'est-à-dire un pigment naturel de la peau, voilà. Et que le sang est rouge pour tous les êtres humains sur cette planète. C'est vrai que les gens réfléchissent un peu aussi. Bon, je m'enflamme un peu. Wash you off my skin. parler de la peau noire, qui de mieux que de convoquer Frantz Fanon ? Frantz Fanon qui, bien sûr, est absent, mais qui est quand même là, présent sous la forme d'un livre que je tiens dans les mains. Son fameux livre « Peau noire, masque blanc », Frantz Fanon, s'il faut encore le présenter, c'était le médecin-chef à l'hôpital psychiatrique de Blida. Il a mené une décolonisation de la psychiatrie, enfin une décolonisation en fait de l'homme dans son entièreté, en fait, tant de sa couleur de peau que des enfermements de malades, etc. C'était un grand, grand bonhomme. Il y a deux films là qui sont sortis sur Frantz Fanon dernièrement. Il y en a un qui ressemble plutôt à une sorte de thriller américain. Là, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Enfin, j'ai vu aucun des deux. Hein. Fallait payer pour les faire, pour les voir. Moi, j'ai pas envie de donner. Des... Enfin bref, j'ai pas pu les voir, mais ils sont disponibles. Mais en tout cas, il y en a un, oui, dont la bande-annonce, on dirait que c'est un gros film d'action américain. Et pourtant, c'est un film français. Et un autre biopic tourné en noir et blanc qui m'a l'air un peu plus proche de ce qu'est la vérité. Enfin, ce qui a pu être la réalité de Fanon, puisqu'on le voit à l'intérieur de l'hôpital avec ses malades, on le voit enfin, d'après la bande-annonce, on le voit les accueillir, etc. Et les mener à la résistance. Et avant de réentendre Marianne dans les baladeuses, je vais donc vous lire un petit extrait que j'ai pris quasiment au hasard, parce que voilà, tout est bon dans ce livre, donc on peut y aller. Donc page 89, c'est sur le chapitre 5, l'expérience vécue du noir. Le noir, chez lui, au XXe siècle, ignore le moment où son infériorité passe par l'autre. Sans nul doute, il nous est arrivé de discuter du problème noir avec des amis, ou plus rarement avec des noirs américains. Ensemble, nous protestions et affirmions les qualités des hommes devant le monde. Il y avait aussi, aux Antilles, ce petit hiatus qui existe entre la bécaille, la mulâtraille et la négraille. Mais nous nous contentions d'une compréhension intellectuelle de ces divergences. En fait, ça n'était pas dramatique. Et puis, il nous fut donné d'affronter le regard blanc. Une lourdeur inaccoutumée nous oppressa. Le véritable monde nous disputait notre part. Dans le monde blanc, l'homme de couleur rencontre des difficultés dans l'élaboration de son schéma corporel. La connaissance du corps est une activité uniquement négatrice. C'est une connaissance en troisième personne. Tout autour du corps règne une atmosphère d'incertitude certaine. Je sais que si je veux fumer, il me faudra étendre le bras droit et saisir le paquet de cigarettes qui se trouve à l'entrebout de la table. Les allumettes, elles, sont dans le tiroir de gauche. Il faudra que je me recule légèrement. Et tous ces gestes, je les fais non par habitude, mais par une connaissance implicite. Lente construction de mon moi en tant que corps au sein d'un monde spatial et temporel. Tel semble être le schéma. Il ne s'impose pas à moi, c'est plutôt une structuration définitive du moi et du monde. Définitive car il s'installe entre mon corps et le monde, une dialectique effective. Depuis quelques années, des laboratoires ont projeté de découvrir un sérum de dénégrification. Des laboratoires, le plus sérieusement du monde, ont rincé leurs éprouvettes, réglé leur balance et entamé des recherches qui permettront aux malheureux nègres de se blanchir et ainsi de ne plus supporter le poids de cette malédiction corporelle. J'avais créé au-dessous du schéma corporel un schéma historico-racial. Les éléments que j'avais utilisés ne m'avaient pas été fournis par des résidus de sensations et perceptions d'ordre surtout tactile, vestibulaire, synesthésique et visuel, mais par l'autre, le blanc, qui m'avait tissé de mille détails, anecdotes, récits, Je croyais avoir à construire un moi physiologique, à équilibrer l'espace, à localiser des sensations, et voici que l'on me réclamait un supplément. Tiens, un aigre. C'était un stimulus extérieur qui me chiquenaudait en passant, j'esquissais un sourire. Tiens, un aigre. C'est vrai, je m'amusais. Tiens, un aigre. Le cercle peu à peu se resserrait, je m'amusais ouvertement. Maman, regarde le nègre, j'ai peur. Peur, peur. Voilà qu'on se mettait à me craindre. Je voulus m'amuser jusqu'à m'étouffer, mais cela m'était devenu impossible. Je ne pouvais plus, car je savais déjà qu'existaient des légendes, des histoires, l'histoire et surtout l'historicité que m'avait enseigné Jaspers. Alors le schéma corporel attaqué en plusieurs points s'écroula, cédant la place à un schéma épidermique racial. Dans le train, il ne s'agissait plus d'une connaissance de mon corps en troisième personne, mais en triple personne. Dans le train, au lieu d'une, on me laissait deux, trois places. Déjà, je ne m'amusais plus. Je ne découvrais point de coordonnées fébriles du monde. J'existais en triple. J'occupais de la place. J'allais à l'autre. Et l'autre, évanescent, hostile, mais non opaque, transparent, absent, disparaissait. La nausée. De la beauté, c'était presque exclusivement vu à travers une perspective européenne, c'est-à-dire blanche. Les traits ethniques dérogeaient de ces standards. Il ne pouvait donc pas être considéré comme étant beau. Donc si tu me parles de blancheur, oui, parce que l'Europe, blanc, voilà. Et l'influence blanche sur la beauté, elle est encore dominante. Quoique les standards, ces dernières années, ont commencé à changer. Il y a aussi d'autres. Il n'y a pas que la blancheur ou la blancheté, comme tu as dit, blanchité. Il y a ce qu'on appelle aussi la contribution de l'industrie de la mode, hein, qui a une certaine forme de discrimination. Parce qu'il y a des critères, par exemple, de taille, de minceur, etc. Et on a souvent envie, que ce soit masculin ou féminin, de se plaquer sur ces références-là, sur ces critères-là. Et ça nous pollue le paysage mental. Ben oui, moi je suis une femme et je n'ai jamais tellement rencontré en bougeant dans la rue, dans des assemblées et tout, des femmes qui ressemblaient à ces mannequins. Dans la rue? Non. Non, pour gagner ma croûte, à un certain moment, j'ai fait des défilés de mode quand j'étais étudiante. Mais je nous voyais groupés dans les coulisses avant de défiler, mais dans les espaces publics, non. J'ai jamais vu une femme qui ressemblait à ce qu'on attend de la beauté, ce que l'autre attend de la beauté d'une femme. Mais je vais quand même revenir sur quand tu dis blanc, la blanchité. Parce que par exemple, sur le continent africain, il y a aussi des critères de beauté qui ne correspondent pas à ceux de l'Europe. Moi en Afrique, je suis maigre, parce que je suis mince ici. Ici je suis mince, là-bas je suis maigre. Pourquoi ? Parce qu'on aime avoir des corps bien rebondis, par exemple, tu vois. Donc il y a pas, il faut pas simplement voir midi à sa porte, comme on dit, il faut aussi voir un peu plus loin. Donc il y a des critères, pas, c'est pas seulement blanc, tu vois, si tu te déplaces. Initialement, oui. Des sauvages, c'était dit, hein. C'était crime. En Orient, bah, les femmes ne doivent absolument pas être bronzées. C'est le teint de porcelaine qui est de mise. C'est extraordinaire tout ça. Hein. Et je parlais de l'Afrique, par exemple, sur ce continent. Ah, ce sont des formes généreuses qui sont le summum de la beauté. Quand je disais ici, je suis mince, et en Afrique, par exemple le Sénégal, le Bénin, je parle de ce que j'ai vu, hein, Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo, etc. C'est ça. Là-bas, je suis maigre. C'est génial, je trouve, parce que tu te sens mince dans un endroit et maigre dans l'autre. Mais c'est toujours le regard, c'est le regard de l'autre, tout simplement. Ben, j'ai parlé de l'esclavage, il y a de grandes controverses sur le mot génocide des Indiens. Mais bon, en tout cas, moi je dis massacre des Indiens. Donc tout ça est très grave. Quand on s'attache à la couleur de la peau. Et puis, par exemple, il y a aussi des possibilités d'esthétisme. Il y a des pays où il y a la scarification. Par exemple, il y a les tatouages qui sont en fait des dessins et qu'on considère comme un embellissement du corps, de l'enveloppe, comme la scarification, qui est liée souvent à des rituels en Afrique. Thank you. peau. La peau, c'est cette enveloppe qui nous contient, qui enveloppe notre monde intérieur. Notre monde intérieur est contenu dans notre peau, et notre peau est la frontière entre ce qui est en nous et ce qui est à l'extérieur. Ce monde qui est à l'intérieur de nous, on peut le faire grandir à l'infini, et notre peau, telle une baudruche, peut s'étendre et s'étendre et s'étendre, mais jusqu'à quand ? Peut-elle éclater cette baudruche ? Peut-elle éclater cette peau ? Et si cette peau contient notre monde, quel monde contient les peaux de ceux qu'on voit autour de nous ? Quel contact pourrions-nous avoir avec le monde de l'autre ? Car nos peaux resteront toujours des frontières infranchissables. Aussi sommes-nous toujours isolés les uns des autres ? Ou arrivons-nous quand même à rentrer en contact ? Nos mondes se télescopent-ils ? Lorsque nous nous touchons, nous nous caressons. On se masse, on masse, on est en masse. Les contacts sont faits. Les vibrations nous touchent par le son. Vous écoutez les baladeuses. Il est 10h40. Nous allons bientôt monter au pôle Nord, mais avant, on va entendre Mariam nous faire une conclusion sur son expérience à elle de la peau. Les baladeuses. Oui, mais comme c'est un passé récent encore, parce que le code noir, il était, si on voulait, il était toujours en vigueur. Pourquoi ? Parce qu'il a été abrogé uniquement en 2025. C'est grave. Ben, j'imagine qu'il y a quand même des choses qui ont évolué. J'imagine que, je ne sais pas, tous les gens que j'ai privilège de rencontrer, me considère moi et tous ces gens différents, non pas les Africains, non, hein, puisqu'on parle de l'esclavage avec le code noir, comme des meubles à l'heure actuelle. Tu vois ? Mais là, je parle de loi. Dans la loi, c'est seulement en 2025, que ce code-là est terrible. Je crois qu'il y a 50 articles. Tous, une monstruosité inimaginable. Non, bien sûr que les gens, les temps ont changé, on évolue. Il y a l'intelligence artificielle, par exemple, hein, pour l'évolution. Il n'y a pas très longtemps, il y avait encore la ségrégation raciale qui était aussi dans la loi aux États-Unis. Et si on va aux États-Unis, là, au XXIe siècle, on voit bien encore ce qui s'y passe. Toujours avec cette histoire de couleur de peau. Là, je parle du noir parce que ça me concerne un peu plus que le reste. Et puis, il y a l'inverse. Parce que je me souviens d'une confidence d'un comédien, Olivier Rieux, je le nomme, père son âme. Eh bien, Olivier, au retour du Sénégal, m'a dit: Mariam, j'ai découvert là-bas ce que pouvait être le racisme. Et il me disait, je me souviens avoir marché, il était grand, blond, et tous les regards se posaient, et il a eu des actes. Il a subi des actes de racisme, de violence, oui, bien sûr. blanc parmi un monde noir. Tu vois, ben en Afrique, l'apartheid, par exemple, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis avec cette forme de ségrégation, donc l'apartheid c'est aussi une ségrégation, évidemment. Donc on voit un petit peu tout ce que cette couleur de la peau peut engendrer aussi de néfaste, alors que ça devrait être absolument magnifique. Non, moi la chose la plus importante, parce que je me considère j'espère avoir gardé à la chose toute mon humanité. Et faut pas se fier aux apparences, tout simplement. Encore une fois, il y a aussi ce qui se passe en dessous de la peau. Et ça, c'est universel. Si on prend un squelette, on voit bien que tu sois noir, jaune, cacadois, rouge, la constitution est la même. Voilà. Mais je me suis un petit peu étendu et dispersé. Mais je pense que c'est aussi. Tout ça est. C'est le domaine, encore une fois, socioculturel. Il y a aussi le phénomène politique, avec ce mot-là, étranger, les étrangers. Qui est étranger ? À l'heure actuelle, mais le monde entier est métissé. Et puis je pense que il faudrait se rappeler que l'essentiel sur cette planète, c'est l'amour avec un grand A. Voilà, parce que nous sommes des petites choses, il n'y a pas que nous, il y a le monde végétal, animal, j'en oublie, les pierres. On cohabite tous. Il faudrait que nous arrêtions d'être des prédateurs les uns envers les autres. Donc, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et c'est un mot, c'est l'universel, ça. Afrique, j'ai gardé ta mémoire, Afrique. Tu es sans moi. Comme l'écharde dans la blessure, comme un fétiche tutélaire au centre du village. Fais de moi la pierre de ta fronde, de ma bouche les lèvres de ta plaie, de mes genoux les colonnes brisées de ton abaissement. Pourtant, je ne veux être que de votre race, ouvriers paysans de tous les pays. Ouvriers blancs de Détroit, péons noirs d'Alabama, peuple innombrable de galères capitalistes. Le destin nous dresse épaule contre épaule et reniant l'antique maléfice des tabous du sang, nous foulons les décombres de nos solitudes. Si le torrent est frontière, nous arracherons au ravin sa chevelure intarissable. Si la Sierra est frontière, nous briserons la mâchoire des volcans affirmant les cordillères, et la plaine sera l'esplanade d'aurore où rassembler nos forces écartelées par la ruse de nos maîtres. Comme la contradiction des traits se résout en l'harmonie du visage, nous proclamons l'unité de la souffrance et de la révolte de tous les peuples sur toute la surface de la terre, et nous brassons le mortier des temps fraternels dans la poussière des idoles. Ça, c'est un extrait de Jacques Roumain, un extrait de son prélude au Roi d'Ébène, Bois d'Ébène. Le blanc a tué mon père, car mon père était fier. Le blanc a violé ma mère, car ma mère était belle. Le blanc a courbé mon frère sous le soleil des routes, car mon frère était fort. Puis le blanc a tourné vers moi ses mains rouges de sang, m'a craché noir son mépris au visage, et de sa voix de maître, « Hey boy, un berger, une serviette, de l'eau !» Mon frère, aux dents qui brillent sous le compliment hypocrite, mon frère aux lunettes d'or, sur tes yeux rendus bleus par la parole du maître, mon pauvre frère au smoking à revers de soie, piaillant et susurrant et plastronnant dans les salons de la condescendance, tu nous fais pitié. Le soleil de ton pays n'est plus qu'une ombre. Sur ton front serein de civilisé et la case de ta grand-mère fait rougir un visage blanchi par des années d'humiliation et de mea culpa. Mais lorsque repu de mots sonores et vides, comme la caisse qui surmonte tes épaules, tu fouleras la terre amère et rouge d'Afrique. Ces mots angoissés rythmeront alors ta marche inquiète. Je me sens si seul ici. Et là, on avait donc deux extraits. Le premier, il y avait un extrait de trois poèmes, Le temps du martyr de David Diop. Et là, sur la fin, c'était en fait un extrait du Renégat de David Diop. Et en fait, ce sont des citations de citations que je fais là, puisque ces citations sont citées par Frantz Fanon. Donc lui-même, alors qu'il est absent, il convoque d'autres absents qu'il met dans son livre. Tout est une histoire d'absence présente, en fait. On y revient toujours dans les baladeuses. Et voilà, donc deux poètes importants, Jacques Roumain et David Diop. La suite. Toujours toi, rien que toi. Partout, toi, toi, toi, toi, toi. Je t'ai dans la peau, y'a rien à faire. Obstinément, tu es là. J'ai beau chercher à m'en défaire, tu es toujours près de moi. Je t'ai dans la peau, y a rien à faire. Tu es partout sur mon corps. J'ai froid, j'ai chaud, je sens la fièvre sur ma peau. Après tout, je m'en fous de ce qu'on peut penser, je ne peux pas m'empêcher de crier. Tu es tout pour moi, je suis intoxiqué, et je t'aime encravé, je t'ai dans la peau. Tu es là. J'ai beau chercher à m'en défaire, tu es toujours près de moi. Je t'ai dans la peau. Y'a rien à faire. Tu es partout sur mon corps. J'ai froid, j'ai chaud, je sens tes lèvres sur ma peau. Y'a rien à faire, j't'ai dans la peau. l'agenda des baladeuses. Bon, alors on avait dit attends, parce que jeudi moi je peux pas. Non mais mercredi moi c'est vendredi. Non mais pas le matin. Oui, 13h ça va, mais pas avant 8h. Ah non, pas lui, pas le matin. Je sais pas, on va voir. Mais il y a aussi. Il y avait pas une danse à voir enfin. Et sinon lundi soir vous faites quoi? Ah, les agendas. Alors d'habitude, on le fait en fin d'émission. Eh bien, il faut changer. Nous sommes en 2026. Changeons. Alors, nous avons au Choc Théâtre une pièce qui s'appelle Franck Bompard de la compagnie Disque Dur. Et c'est en ce moment même, c'est-à-dire demain et après-demain. Voilà, ça a l'air d'être assez drôle et en même temps tragique. Tout ce qu'on aime. Ensuite, nous aurons au Verso, alors en ce moment même, tout à l'heure à 14h, et avec Sophia, nous allons y aller faire un tour, nous aurons la pièce Monstre de la compagnie Trouble Théâtre. Nous avons reçu la comédienne et metteuse en scène Béatrice Moulin, il y a quelque temps, qui était venue nous parler de ce spectacle, et enfin, il est là. Alors, il est là ce mercredi à 14h, et dimanche également à 16h30. C'est un spectacle pour la jeunesse, mais nous sommes toujours jeunes, n'est-ce pas? Ensuite, en février 4, 5, 6 et 8 février, il y aura Morceaux de chair, toujours au Verso, de la compagnie Argoti, qui raconte l'épopée d'un clan congolais depuis le XIIIe siècle jusqu'en 2381. Alors là, c'est juste un épisode, j'imagine. Voilà, et aussi, nous aurons au magasin, en ce moment même, nous avons notre baladeuse préférée, notre camarade baladeuse, Julie Debellis, qui collecte des éléments pour survivre dans un monde enfin vivant. Et elle nous fera sa présentation demain soir entre 18h30 et 21h. Et cela se trouve 20 rue Honoré de Balzac vers la place Jacquard. Et c'est entrée libre. Voilà, vous laissez un petit quelque chose, ça fait toujours plaisir. Et c'est un peu l'idée en fait du prix libre, hein, qu'on laisse quelque chose. Aussi également, toujours avec cette manière de prix libre, vous aurez à l'Estanco ce vendredi 6 février, alors c'est pas tout à fait tout de suite, mais je vais laisser peut-être Sophia en dire quelques mots. Et oui, le 6 février, donc c'est dans un peu moins de 15 jours. Et j'espère qu'elle se sent prête, parce que du coup, c'est notre amie Juliette qui va nous présenter des textes qu'elle a écrits en compagnie de Benoît Cancoin, qu'on avait aussi reçu il y a quelque temps avec son duo... j'ai le nom qui m'échappe... Ralentir, avec son duo Ralentir. Et là, c'est un autre duo que tu nous proposes. Juliette, je ne te laisse plus la parole. Voilà, je te coupe. Hop. Puisque je vais parler à ta place. C'est un duo qui s'appelle 12 bis. Enfin, le spectacle s'appelle 12 bis. Attends, oui. 12 bis entrée sud, c'est entrée le titre sud. Complet. Oui, 12 bis entrée sud. Et donc, ça raconte l'histoire d'un immeuble, la vie d'un immeuble, de ses habitants. Et c'est de la poésie, descriptive. Je ne sais pas comment dire, aussi. Narrative, peut-être, oui. On peut dire. Ouais, narrative. Bah, je voulais dire narratif, mais je n'osais pas. Mais descriptif, c'est nul. Donc, narratif, c'est mieux. Donc, une poésie narrative, accompagnée par une composition sonore de Benoît, qui à la contrebasse et avec des boutons, des trucs, des boucles, enfin plein de choses. Et franchement, c'est un très beau voyage au milieu de l'immeuble. Et ça aura lieu ici, donc, enfin ici, en dessous, à l'Estanco, qui se trouve en dessous des locaux de Radio Dio. C'est pas toujours bien facile à trouver, mais c'est en bas de la rue Corbusier, enfin c'est dans la descente rue Henri Dunant. Normalement, Google, il sait y aller. Voilà. En fait, c'est sous l'école Beaulieu, du coup, c'est facile à trouver, en fait. Une fois qu'on a dit ça. Et puisque... Et c'est à 20h. Et c'est à 20h. le 6 février. Et c'est gratuit, enfin prix libre. Voilà. Voilà. Et ben, et puisqu'on est perdu dans les... oui, parce que entre la rue Henri Dunant, tout ça, on ne sait plus où on en est. C'est peut-être parce que on a peut-être un peu perdu la boussole. Et c'est peut-être parce que nous avons... Ah là là, oui, ma boussole, je vois qu'elle s'agite dans tous les sens, mais comment ça se fait ? T'as une idée, Sophia ? Mais d'habitude, nos boussoles, elles fonctionnent. Alors, je veux bien que quelquefois, on oublie notre téléphone, on perd nos clés ou nos portefeuilles, c'est des choses-là. Mais la boussole, jamais. Ouais, moi, je crois que c'est à cause d'une de nos baladeuses qui se rapproche du pôle Nord. Et forcément, quand on est au pôle Nord, ben, on tourne un peu dans tous les ronds. Les boussoles s'affolent. Et en s'affolant, on fait des détours, on se perd, on se retrouve. Ça va être l'heure de la chronique d'Anna. Et je vais lancer le bon générique cette fois-ci. Cinq minutes avec Anna, la baladeuse européenne. Anna Roche est une baladeuse nouvellement nommée, nouvellement partenaire et camarade. Depuis le mois de juin, en fait, on l'a rencontrée, alors complètement par hasard. C'est une jeune femme d'une moins de 30 ans, on va dire, et qui parcourait les routes de France et à qui j'ai fait un petit lift comme ça. Voilà. Et en discutant, en fait, on s'est rendu compte que Anna partait loin et longtemps. Elle partait sur les routes d'Europe. Du coup, on l'a rencontrée alors qu'elle allait en Italie du Sud. Puis, elle est allée en Albanie et enfin en Slovénie, puis en Autriche. Elle est remontée au Danemark. Et là, en ce moment, elle se retrouve en Norvège depuis déjà quelques mois. Alors, elle fait du woofing, c'est-à-dire, vous savez, ce genre de travail où, moyennant quelques heures par-ci, par-là, on reçoit gîte et couvert. Et en Norvège, donc après s'être occupée de chiens de traîneau, elle se retrouve au-delà du cercle arctique. Alors, on n'a malheureusement pas pu enregistrer la dernière conversation qu'on a eue avec elle suite à un problème de logiciel qui n'a rien voulu savoir. Et on se demande encore pourquoi, mais voilà. C'est les aléas. Ça, c'est fou, ça, parce qu'on a quand même la CIA, les services secrets qui peuvent nous enregistrer de manière comme ça, sans qu'on le veuille. Et puis, quand on veut enregistrer nos conversations, bah, ça ne marche jamais. C'est dingue. Alors, jusqu'à présent, ça marchait, mais pas cette fois. Voilà, le logiciel, il a dit non, je ne veux pas enregistrer. Et alors, je me rappelle de quelques éléments du voyage d'Anna. Anna voyage avec sa chienne qui s'appelle Meika et qui est une petite chienne samoyette blanche avec des yeux noirs absolument extraordinaires et qui trouve enfin son pays parce que là-haut, enfin, elle peut dormir dehors par moins 20. Elle a triplé de volume, elle a pris de la graisse et elle a vraiment tous les éléments qu'il lui faut pour enfin vivre sa vie de chien du Grand Nord. Et alors évidemment, Anna, elle, par contre, s'est équipée grandement pour faire face à ces grands froids. Alors au-delà du cercle polaire, qu'est-ce qu'on voit en Norvège ? On voit des petits villages tout colorés au fond de vallées. On voit des fjords et puis des montagnes enneigées, et des rochers et de la mer glacée. Et également des aurores boréales. Alors nous, on en voit, il paraît, depuis quelque temps dans le coin, mais apparemment, ça n'a un peu rien à voir avec celle qu'on voit tout en haut du Grand Nord. Alors, dans ce qu'elle m'a décrit, en fait, Anna, c'est qu'on voit d'abord une grande lumière blanche qui dure quelques secondes, mais vraiment très, très intense. Et ensuite, il y a les couleurs qui apparaissent. Des verts profonds, des bleus, des roses, des jaunes. Et tout cela se balance pendant quelques minutes, puis s'estompe et enfin disparaît. Voilà, alors Anna est une observatrice de la nature, comme vous pouvez le constater, et une grande amoureuse des animaux, et une naturaliste, puisque c'est sa formation. Elle a étudié pendant un grand moment en Corse des chauves-souris, Alors, ici, dans le Grand Nord, eh bien, il n'y a pas de chauve-souris. Mais quelquefois, elle est en observation avec un bison musqué ou un oiseau incroyable. Et elle a vécu chez un Sami, alors un petit-fils de Sami, donc un peuple qui vit dans ces contrées arctiques, qui a conservé de ses ancêtres, en fait, plusieurs instruments de musique et de vêtements traditionnels, ainsi que du matériel pour pêcher ou skier. Voilà. Et là, maintenant, ce woofing est terminé chez lui, mais Anna est en partance pour la Norvège, où elle va de nouveau travailler auprès d'un conducteur de chiens de traîneau pendant 3 mois. Et son voyage s'achèvera à peu près à cette période. Mais elle a encore le projet de faire un retour à vélo. Et elle nous a également écrit un petit texte autour de la peau. Et je vous le lis parce qu'il est intéressant. Dans la mesure où tout là-haut, moins on met de la peau... en contact avec les éléments, mieux on se porte. Sachant qu'il faut 70 000 récepteurs du froid par centimètre carré de peau. Vous voyez pourquoi on a si froid parfois. La peau. Alors que pour la chaleur. Il en faut 24. 24, que 24 pour la chaleur. Ouais, ouais. Ah non, mais c'est dingue. C'est fou. La peau. On pense souvent à quelque chose de visible, ce que les autres voient, mais c'est une frontière entre notre intérieur et notre extérieur. La peau est un organe étonnant qui nous protège, nous fait ressentir, nous aide à mémoriser, réagit au stress, aux émotions et aux changements de vie. Elle parle parfois avant même que l'on soit, que l'on puisse mettre des mots sur ce que l'on vit. Notre peau change. Elle change à l'image d'un serpent qui mue. Celui-ci ne change pas de peau parce qu'elle est abîmée, mais parce qu'il grandit, parce que l'ancienne enveloppe est devenue trop étroite. C'est la même chose pour nous. Notre peau nous accompagne dans nos passages, nos transitions, nos métamorphoses. Elle est souvent le reflet de mouvements intérieurs. Souvent, on apprend à corriger les problèmes de peau, mais on peut aussi les regarder différemment, comme un signal, une invitation à ralentir, à prendre soin. La mue chez le serpent est un moment délicat, inconfortable. Et chez l'humain aussi, la transformation demande du temps, de la patience et de la douceur. La peau nous montre que nous changeons, nous évoluons et nous grandissons. Et parfois, il faut accepter de laisser une peau pour continuer à avancer. Première mue, à première vue, empreinte et contrastée, forme similaire à influence mécanique. Connectique, tactile, en effectif, stable. Yes. T'as pas vu ma baladeuse? Les baladeuses? C'est le quatrième mercredi du mois, de 10h à 11h30. Nous allons maintenant écouter Agnès Marié, qui est une peintre stéphanoise, qui a fait une exposition il y a très peu de temps, là en décembre, aux ateliers des Cimaises, en fait, dans l'ancienne école des Beaux-Arts. Une très belle exposition qu'elle a appelée « Très sage », parce qu'elle mêle à la fois des corps vivants et des végétaux, que ce soit des forêts ou juste du feuillage. Et c'est très frappant, sa manière de peindre à l'huile, sur des grands formats parfois, des plus petits d'autres. Elle s'inspire beaucoup de peintres qui ont déjà existé dans le passé. Je sais qu'elle m'a parlé de Philippe de Champaigne, par exemple, et d'autres peintres, évidemment, Watteau aussi, dont elle a repris des postures qu'elle a vraiment modernisées ou mis au XXIe siècle, enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais du coup, c'est assez frappant. On espère pouvoir la voir, enfin en tout cas voir ses peintures à d'autres endroits de Saint-Étienne ou encore ailleurs, parce que voilà, elle mérite que ça s'envole et que ça soit vu par d'autres personnes. Est-ce qu'elle a un atelier qu'on peut visiter ou qu'on peut voir? Des fois ça arrive, des fois il y a des peintres, parce que je me souviens, il y a pas mal d'années, elle avait une vitrine sur... alors, je ne sais plus le nom de la rue, mais son atelier faisait vitrine un peu dans la rue et on pouvait voir un peu ses peintures. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, ce n'est pas le cas parce qu'elle n'a plus cet atelier qui était rue de la République, il me semble. Maintenant, elle est vers la rue Gambetta, rue Michelet, voilà, dans ce coin-là. Mais son atelier est ouvert simplement quand il y a des journées spéciales. Ça a été le cas en septembre où plein d'ateliers de peintres ont été ouverts et visitables. Et ça permet de rencontrer les artistes. Et c'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager et d'échanger avec eux et avec elles. Alors malheureusement, les hasards d'agenda ont fait que elle n'est pas avec nous dans les studios, mais en revanche, nous aimons aller la rencontrer et l'interviewer. Et on a un petit montage décomposé, comme pour Mariam, en trois parties qu'on va diffuser pendant le restant de l'émission. Ah non, non, non, non, c'est pas moi du tout. Enfin, c'est moi, oui, bien évidemment, dans les faits. Mais c'est l'humain en général. C'est un humain que je traite à travers un personnage lambda, un unique, un archétype. Donc j'ai ce corps sous la main qui est corvéable à merci, donc je l'utilise, mais c'est pas moi du tout. Et je monte sur mes grands chevaux quand j'entends parler d'autoportrait, bien évidemment. Mais ça, c'est difficile à faire comprendre. Mais oui, non, c'est pas du tout narcissique. Bon, d'abord, si je faisais un autoportrait... J'essaierai d'améliorer la chose, tu vois, je ferai un petit peu de ravalement de façade. Non, je m'utilise un peu, enfin, oui, un peu comme l'autofiction et les personnes qui font des livres sur leur famille, si tu veux. L'autofiction peut-être parle vraiment de soi, et puis je sais pas, là je viens de penser à Mauvigny là tout de suite, tu vois. Et ça élargit à toutes des générations, quoi. Tu prends un exemple et en fait, tu vas travailler toute une classe d'âge à un moment donné, dans un lieu donné. Et ben c'est pareil, moi, j'ai mon petit personnage, là, que je déploie depuis des dizaines d'années. Et c'est pas moi. Je ne me vois même pas. Je n'ai même pas cette retenue, peut-être choque des personnes qui voient mon travail, m'exposer n'est pas un problème pour moi. C'est pas moi. Je me mettrais pas à nu comme ça. Je ferais peut-être pas, j'oserais peut-être pas faire une performance nue, tu vois, alors que je me représente nu sur un support pictural. Parce qu'à travers ce personnage, j'ai des problématiques qui ont évolué dans le temps, qui sont polarisées sur différentes choses. Là, je travaille plus particulièrement l'humain, l'interaction de l'humain et de l'écologie au sens vraiment large du terme, c'est-à-dire de ce monde dans lequel on est, cette interaction avec le végétal. Je suis particulièrement plus sensible au végétal qu'à l'animal, mais moi je pense qu'on est des animaux, donc si je mettais une panthère dans mon végétal, c'est pareil que moi au milieu de feuillage, tu vois, voilà. Mais j'ai travaillé sur les atteintes faites à l'humain, quand on veut l'humilier, l'anéantir. J'ai travaillé sur la folie, j'ai travaillé à partir de contes traditionnels, enfin plein de choses différentes, tu vois. Beaucoup sur la tragédie grecque, parce que à mon avis déjà tout est dit, et que en plus j'aime bien ce côté où l'histoire a pas d'importance, parce que tous les spectateurs de la tragédie humaine, de la tragédie grecque, savaient ce qui se passait, mais c'est le mode opératoire de ce qui amène à la chute qui m'intéresse, tu vois. Et nous aussi on sait ce qu'on va devenir et ce qui est intéressant, c'est le cheminement, voilà. Ce qui m'intéresse dans la peau, c'est ce que nous en faisons. À la fois, nous subissons, mais nous en faisons. Moi, alors, comme je te dis, ce corps, je l'utilise depuis des dizaines d'années, donc forcément, il a évolué, il a vieilli, il est vieux. Et ce qui m'intéresse, c'est ce corps palimpseste. C'est-à-dire, le palimpseste, c'était ces manuscrits, enfin, les manuscrits sur du vélin, qu'on réutilisait, on regrattait l'encre, pour pouvoir réécrire, parce que c'était très cher, les velins, la peau de veau, et puis c'était des techniques compliquées. Donc au lieu de mettre au rebut, on grattait et on réécrivait dessus. Mais forcément, apparaissait un peu dessous l'écriture précédente. Et nos peaux sont des palimpsestes dans la mesure où il y a toutes les petits traumatismes qu'on a, tout ce qu'on a fait de nos expressions qui s'y inscrivent, et c'est hyper beau et hyper émouvant, même si par rapport à une peau d'une jeunette de 20 ans, c'est moche. Enfin, c'est moche, ça a du vécu. Et ce vécu-là, je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça génial. C'est une géographie, ce sont des monts, des veaux, des taches, enfin on trouve ça très beau sur une carte, eh bien la carte, on peut lire notre carte sur nous, sur nos mains, sur nos visages, nos corps, etc. Tout nous raconte. Mon corps raconte mes grossesses, mon corps, enfin ouais les fractures, enfin tout est inscrit. C'est super. Tu vois, non, on a, enfin c'est pas moi qui le dis, hein, même cette peau de vache de Chanel le disait, je crois, que quand tu t'as, à 20 ans t'as le corps que la nature te donne, après t'as celui que tu te fais, et après t'as celui que tu mérites, donc le visage aussi, si tu veux, donc il n'y a pas que ça non plus, hein, on n'est pas que autodétermination, mais ouais, c'est intéressant de voir... Parle. Ça va être compliqué pour les... T'entends, là? Aïe. Oui, de toute façon, j'entends tout. Vraiment, ce micro... Ah ouais, ça... Les sons. Mais moi, c'est pas grave. Hein. À la limite, l'ambiance sonore de ton chez-toi, c'est bien aussi. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Et puis, le problème, c'est les sons forts à côté. Oui, bah ça, je ne l'ai pas fait. Thank you. Non, c'est pas du Nutella, là. L'Empire d'Ulysse. D'Ulysse. Pas de Pénélope, hein, mais du. Le lys, c'est terrible. Parce que ça nous bouffe la tête quand même, cette histoire. Parce que je vois bien que ça tord le regard, même à mon niveau, tu vois, avec les personnes qui viennent me voir peuvent être choquées ou ne comprennent pas la beauté de la ride. Et tu te dis, alors que c'est des personnes d'un certain âge, hein, c'est pas des, en plus c'est en général sont vraiment pas des jeunes, mais ne veulent pas voir ça. Il y a une association complètement erronée, me semble-t-il, entre le lisse et le beau. Alors que tu vois les peintres, Dürer, il a donc 16e siècle, il a peint sa mère, elle est pleine de plis, de fanons, de. Et c'est beau, ce corps. Une surface lisse, c'est moche. Et puis c'est pas intéressant à représenter. Même on voit bien, par exemple, moi j'aime beaucoup les portraits de Philippe de Champaigne, donc un peintre français du 17e. En plus, associé à Pascal, tu vois, ces mouvements religieux, cathos, mais rigoristes. Enfin, rigoristes, oui, enfin, une certaine. Voilà. Et il a fait des portraits de membres de ces sectes, voilà, des jansénistes, où il associe. On voit toute la finesse de la peau et des rides. Et le portrait, le personnage est toujours appuyé en rebord de fenêtre, et la pierre même est abîmée, il y a un petit éclat. Tu vois l'association de ces deux choses, mais c'est hyper, hyper beau et touchant. Moi j'ai représenté justement il y a bien bien longtemps, pour faire la différence entre le vrai corps et le corps fantasmé, on peut dire, les poupées, c'est insupportable à représenter, tu vois, le poupon en celluloïde, tout rond. Et à l'époque, ma dernière fille avait 4-5 ans, je voyais qu'elle avait plus de cernes que la poupée, quoi. Ah non, je pense que ça s'est aggravé. Mais moi, j'ai un téléphone de base, hein. Si je veux faire un selfie, sans que je le veuille, il y a un filtre qui atténue les rides. Je ne le veux pas, mais je ne peux pas l'enlever. C'est un problème d'imaginaire, en fait, je pense, des personnes. Si tu vas voir une exposition, c'est pour voir du beau. Et peut-être qu'ils n'ont pas assez de recul, de connaissance de l'histoire de l'art pour voir que le beau, ça n'a jamais été la. À part cette peinture qui veut faire fantasmer les hommes, parce que c'était vraiment cette peinture, par exemple, du 19e siècle. Mais sinon, la peinture se heurte au réel, pas au beau, au réel. Elle est là pour un ébranlement, elle est là pour entrer en contact, elle est là pour. Sinon, on n'aurait jamais représenté un Christ en croix, un Toreo mort comme Manet, enfin, ou j'ai perdu le terme, de Jacques Callot, c'est un graveur, les désastres de la guerre comme Jacques Callot que Goya a repris, enfin on voit bien que l'art est pas là pour c'est pas du Nutella, l'art c'est pas pour nous faire du bien juste dans le goût tout de suite, c'est quelque chose de rugueux, l'art, me semble-t-il, c'est pas du décoratif. Donc, j'essaye de faire passer ça, mais c'est pas facile. Donc, mais tu vois, là, c'est. Enfin, je sors un peu du sujet, mais j'ai entendu là qu'il y a une exposition qui est en préparation, ou qui est, là, je sais pas du tout, sur les belles endormies. Ces corps de jeunes femmes allongées sur le dos et tout ça. Et maintenant, on re-questionne ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le male gaze, c'est-à-dire les hommes le regard érotique sur un corps abandonné. Et il disait justement que même le procès de Mazan avait remis un truc sur justement cette notion de l'endormie soumise. Et du coup, ce qui est un petit rapport quand même avec mon travail, c'est que moi, comme je suis en train de me peindre et je suis face au miroir, moi je suis dans la frontalité. Donc non seulement elle n'est pas endormie, mais elle est frontale, elle est vieille, le corps est vieux, elle est frontale, et comme je suis en train de me regarder, le regard, il y a une certaine acuité. Donc je rentre trois fois dans le regardeur, il s'en prend plein la voilà. J'aime bien là, celui-ci, là, là-bas, la reproduction. Ici. Parce qu'en fait, je me multiplie aussi sur les toiles, je peux me multiplier. Et là, c'est une toile qui... Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce lien, justement, donc, que je t'avais dit, donc en ce moment, ce lien de l'animal que nous sommes dans le végétal. Cette interdépendance, mais c'est aussi les liens entre les humains. Qu'est-ce que c'est que les liens? J'aime bien travailler ça. C'est compliqué, les liens. Donc, est-ce que les liens sont des soutiens, des contraintes? Et je pense que c'est tout à la fois, et ça varie énormément. Mais j'aime bien ces interactions. Et là, en même temps, je nous montre dans des positions enchâssées, et à la fois presque inconsciente de ce qui se passe autour, tu vois. Il me semble que notre position par rapport au monde, ne serait-ce, on ne va peut-être même pas prendre le côté politique, parce que là, on va se suicider, mais même écologique, on va se suicider aussi, mais on me semble qu'on est à côté de la plaque, on ne voit pas bien ce qui... Voilà. Et qu'on est renfermé sur nous-mêmes, sur notre quotidien, nos difficultés quotidiennes, et qu'on ne voit pas très loin, pas loin, voilà. Donc ces interactions, voilà, moi je mets ça dans cette espèce de bulle, de corps enchâssés qui s'étreignent, et à la fois qui sont étreints par le végétal, et à la fois qui sont avec des espèces de filtres qui les cachent plus ou moins, enfin voilà, des parties un peu opaques qui cachent, qui montrent à la fois. Je pense que ça, c'est un peu biographique, c'est un peu à cause de mon âge, c'est un peu travailler l'effacement, tu vois, qui s'approche de plus en plus. Donc voilà, c'est comme j'ai travaillé l'Ophélie, tu vois, donc l'Ophélie, c'est l'Ophélie dans la pièce de Shakespeare, dans Hamlet, qui se suicide, donc elle a été représentée souvent, donc c'est une jeune femme qui se noie, et j'ai représenté ce corps allongé. Donc là, oui, je m'approche du gisant, de la mort. Oui. Mais la mort, c'est pas morbide, c'est juste comme être conscient que ton corps est vieux, être conscient que tu vas mourir, et essayer de travailler ça. Mais c'est... Pour autant, il n'y a pas de problème, quoi. C'est plutôt joyeux de travailler ça. Donc ouais, j'aime bien travailler. C'est un peu, c'est... Parce qu'en fait, je trouve que le rendu est doux. Là, tout le monde, par cette exposition, m'a dit ça fait du bien parce que c'est vert. Les gens voyaient du vert. Voilà. Tu vois, ça dépend vraiment de la couleur. Par exemple, par rapport à les périodes... où je me référais à la peinture flamande en travaillant en fond noir, là les gens avaient beaucoup plus de problèmes. Alors que le corps n'a fait que vieillir depuis, la représentation est... Mais ouais, c'est vachement bizarre. Tu mets plein de trucs dans tes toiles, et au fait, c'est les couleurs qui font émotion, et puis pas grand-chose d'autre. Parce que pour moi, c'est plus pessimiste, parce qu'on s'enfonce, et à la fois on s'enfonce dans tous les sens, et moi je m'enfonce dans l'âge. Donc, comme le corps s'enfonce dans ce végétal, pour moi. Parce que tu parles de paysage, mais je ne suis pas encore dans le paysage, ou très peu. c'est plutôt du végétal, donc on sait pas où on est. On est, tu vois, un petit peu, et c'est pas un paysage. Moi, j'aime les paysages ouverts. Et là, les feuillages, ils font plus penser à la jungle, à un truc hyper, hyper serré et touffu qui te mange, plutôt que... Moi, je suis plutôt mangée par l'humus, là, tu vois. Comme quoi les... Ouais, ça tient à très peu de choses, c'est très étonnant. Très étonnant de vouloir suggérer quelque chose et à la fois de... Mais c'est très intéressant d'avoir une lecture absolument opposée. Et je me rends compte que c'est vraiment selon les personnes. C'est pas univoque. Et heureusement, sinon, ça serait pas de l'art, comme j'espère que ça l'est, mais ça serait de la propagande. Ça serait... Voilà. Si tu peux pas... Si t'as pas de latitude de regard. Même le rejet m'intéresse. C'est parfois très dur, mais... Parce que les mots sont durs, mais c'est tout. On vous balade, on vous éclaire, on vous caresse le cerveau et le cœur. Vous écoutez les baladeuses. Eh bien, on arrive au terme quasiment de oui. cette émission, Juliette. Ça y est, on est au bout fini. De notre balade, on est allé au bout de la peau. C'est ça. Est-ce que j'ai eu ta peau ? Est-ce qu'on a eu la peau de nos auditeurs ? Non, bon, on n'espère pas quand même. Non, quand même pas. Donc c'était cette... Oui. Après qu'elle ait frémi, bougé, ben pourquoi pas, hein, mais ça, c'est pas de notre ressort direct. Ah non, ça c'est pas de notre fat, on n'y est pour rien. Eh bien, on va quand même faire, on va embrasser un peu, moi j'avais envie de saluer Mariam et Agnès. Ouais, grosse bise à toutes les deux. Ben ouais, bon courage pour tout. Agnès, on peut la trouver sur son site... Agnès Marié, alors ça s'écrit Marie2LER, voilà, son site, Instagram, Facebook, etc., pour avoir une idée. Sachez que la peinture vous survivra, vous pouvez la léguer à vos enfants ou à des amis. Oui, ça, c'est toujours bon d'avoir une peinture chez soi. Ouais. C'est... ouais. Et donc je pensais que c'était j'avais faim. Ah mais il est 11h34 là, on a déjà dépassé de 4 minutes. Oui, mais on a commencé avec 7 minutes de retard puisqu'on n'arrivait pas à faire démarrer la machine au début. Voilà. Alors bon, ça faisait 2 mois hein, qu'on n'était pas revenu. C'est ça, mais voilà. On revient le mois prochain par contre. Ah oui, là on sera là et peut-être avec Julie si elle n'est pas débordée par. Énormément de travail de tous les côtés et ça sera un spécial passage. Le 25 février. En un mot ou en deux mots ? Oh, on va plutôt garder un seul mot. Un seul mot. Il faut faire à l'économie quand même. C'est sûr. Eh bien Juliette, merci. Ouais, merci Sophia. On a quand même assuré. Oui, je crois. Merci à nos auditeurs. On se retrouve aux alentours du 28. Non, 25. Le 25 février. Mercredi 25 février. 25 février, toujours à la même heure, 10h-11h30. C'était Les Baladeuses sur Radio Dio 895. À dans un mois. Attention, attention, nous arrivons en gare des baladeuses de 10h à 11h30, le quatrième mercredi du mois, sur Radio Dio 89.5. Veuillez prendre garde de ne rien avoir oublié dans le train avant de descendre. Prenez garde à la marche en descendant. Déjà bien loin dans un monde meilleur, il dort une étoile dans le ciel.